Dans d'aujourd'hui, à Assemblage Requis. Sébastien Pierre viendra nous livrer un de ses derniers bulletins Gartin. Et on recevra exceptionnellement Mathieu Janvier, sa chronique Jeux à gogo. Oh, plus que 6 émissions, Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 18 avril 2018. On est à 9 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. T'es déjà en train de les oublier? Eh ben oui, ça ressemble à ça. J'ai dit plus que 6 émissions. C'est vrai, on va faire encore 6 émissions. Ouais. Mais en tant que telles, les vraies émissions hein, qui comptent vraiment, c'est-à-dire celle avec Tania Baudin, ça se termine pas mal aujourd'hui. Demain, on a une émission spéciale de Grosse Pointe en dresse pour terminer ça correctement. Et après ça, ben, 4 petites émissions en bonus. Oh, oui. Oui. Aujourd'hui, à l'émission, on a Sébastien Gartin à 7h30 pour sa chronique Bulletin Gartin. Sujet d'actualité à décortiquer, on aime toujours ça, s'informer avec lui. Ensuite, à 8h30, habituellement, il est le jeudi, on le déplace au mercredi à cause de notre émission spéciale de demain. Donc, Mathieu Janvier va être avec nous pour Jeux à gogo. On va parler de jeux de société, jeux de table. À 9h, encore une fois, Frédéric Simon va être avec nous pour remplacer Gabriel Béhoud dans les coulisses de la Luître. On va parler du match d'improvisation, la grande finale qui avait lieu lundi soir. C'est excitant, ça. Qui a gagné? Oh, on va savoir tantôt. On sait pas. Pour ceux qui n'étaient pas là, évidemment. Évidemment. Ouais. On va faire plus tard dans l'émission aussi Sex, mais ça ne devrait pas. On l'a, acheter des gadgets sur Internet. On a deux chroniques de ta part aujourd'hui pour se gâter, pour terminer cette chronique de Tania Is Gonna Entertain Ya. De quoi tu nous parles? Eh bien, je vais commencer par vous parler d'un projet qui avait eu lieu à Trois-Rivières qui concernait une maison de personnes âgées. Mm-hmm. Puis, je vais m'aligner vers la productivité et un peu plus tard dans l'émission, je vais vous parler d'un projet, là. Écoute, c'est probablement une des premières fois qu'on entend parler de ça, clairement, en quelques années, de relier Montréal et Québec rapidement. Ah oui, un lien. Ben oui, clairement. On en parle tantôt, hein, avec Tania dans Tania et Scolan Tania. Mais avant ça, je t'ai demandé comme ça, une pièce que tu avais envie d'entendre, là, vu que, tu sais, à un moment donné, t'auras plus grand choix musical à part dans ton char. Hein? Mais... on va écouter la bronze. Voici On danse par en dedans. Tu m'as... aimer dans un bain de sang. Tu nous as léchés avec tes crocs coupants. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu. Je t'ai La bronze avec On danse par en dedans, Assemblage requis. Pour ceux qui étaient avec nous à l'émission d'hier, à peu près dans ces eaux-là, vers les 7h10, c'était le moment où mon micro avait tombé dans ma face, oui, on se rappelle. Ben oui, tout à fait. Donc, remerciement public à Alain Lefebvre, directeur musical, qui est venu réinstaller le micro de main de maître. Parce que exactement. Nous autres, Tania et moi, on a essayé pendant 10 minutes, puis ça marchait pas. On n'est pas fait pour ça. C'était pas évident. Pas manuel même. Maintenant, c'est Tania Is Gonna Entertain Me. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do it. À l'école, peut-être pas des médias, mais quand même à l'école, ouais, non, va quelque chose. Tania Is Gonna Entertain Me, avant-dernière chronique. Oui. Pour terminer tout ça en beauté, tu nous parles d'un projet de maison pour personnes âgées. Là, c'était dans le passé pas mal. Exactement. C'était en septembre dernier, en fait. Il y avait eu quelques... Ça avait fait pas mal le tour des réseaux sociaux, mm-hmm. le tour des médias aussi. C'est une résidence de Trois-Rivières qui est la résidence Les Marronniers, pas très loin de l'UQTR, si vous savez un petit peu ouais. c'est où. Chalon Moreau, boulevard des Forges, dans ces coins-là. Exactement. Qui allait offrir, en fait, un logement et certains repas gratuits à deux étudiantes de l'UQTR ou du Cégep qui allait accepter d'offrir en échange 40 heures de bénévolat par mois ouais. à la résidence. C'est pas beaucoup. Et là, c'est ça exactement. On parle pas de 40 heures semaine, mm-hmm. on parle de 40 heures par mois. C'est pas beaucoup. C'est quoi, c'est 10 heures par semaine, un peu moins? Approximatif. On y offrait un appartement de style soit studio ou 3,5, chauffé, éclairé avec le câble, le téléphone. Wow. Et en plus des repas inclus, si on se présente aux heures convenues, ça avait quand même une valeur de 1 400 $ par mois. Ouais. Et en échange, bien, les étudiants qui allaient être sélectionnés pour le projet devaient aller participer à la vie de résidence en faisant du bénévolat. C'était la directrice, en fait, Nancy Comtois, qui avait décidé de lancer ça, ce beau projet-là, pour justement peut-être sortir la clientèle plus âgée de l'isolement. Mm-hmm. Donc, on est souvent pris un petit peu dans les résidences pour personnes âgées avec l'isolement, la solitude. Et la direction espérait justement créer une autre dynamique à la résidence avec la présence de deux jeunes adultes. On voulait créer un dynamisme, on voulait que chez l'aîné, en fait, on ait une meilleure qualité de vie, qu'on crée une espèce de joie de vivre parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement dans les résidences pour personnes âgées qu'il y a tout le temps le plus de joie. Le moral est exactement. Donc, on crée une espèce d'intérêt en amenant des jeunes. Ça fait un peu comme t'es la bébite de la place pendant quelques temps, mais par la suite, on se crée un sens un petit peu par rapport à ça. Donc, les résidents étaient quand même assez impatients de rencontrer les nouveaux voisins de palier, là, ceux qui allaient justement rentrer les dans les résidences. Exactement. Donc, pour certains, ça allait les rajeunir. Ça allait être rafraîchissant aussi de voir qu'est-ce que ça allait donner. Il y avait deux étudiants. Il y avait plus de 20 curriculum vitae qui avaient été envoyés. Il y avait beaucoup de gens qui étaient... Mais les gens, on dirait, est-ce qu'ils sont gênés? Est-ce qu'ils n'avaient pas envie de donner de leur temps? Parce que c'est pas tant que ça. Ben, il fallait absolument être étudiant. Ah, ouais, okay. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être là où il y en a eu moins. Peut-être qu'à l'interne aussi, peut-être que ça s'est moins bien passé ouais. au niveau de la promotion de cet événement-là. Ben, de l'événement, en fait, de cette offre-là. De cette offre-là, parce qu'on va le dire, c'est une offre quand même assez alléchante. Oui, vraiment. Donc, il faut aussi être assuré d'aimer, en fait, la clientèle qui est recherchée. Ouais. Donc, présentement, le projet a lieu, mesdames, messieurs. Ouais. Ça l'a abouti, tout ça. Il y a une étudiante qui vit gratuitement dans la résidence pour personnes âgées. En retour, eh bien, elle leur parle et elle leur joue de la musique. Ah, cool. Donc, c'est Juliane Plante qui est âgée de 20 ans. Elle habite depuis janvier dans un 3,5 chauffé, éclairé, câblé aux résidences Les Marronniers de Trois-Rivières. Et elle ne paie pas de loyer en échange du temps passé avec les aînés. Pas de lien de parenté, à ce qu'on sache, en tout cas avec moi. Non, c'est ça, exactement, parfait. Peut-être. Donc, en fait, elle nous raconte un peu qu'est-ce qu'elle fait. Le jeudi soir, elle va jouer aux cartes avec eux. Elle leur fait un peu la conversation pendant les repas. Elle les accompagne pour une marche à l'extérieur ou encore même lorsqu'ils vont aller à l'épicerie parce que c'est pas très loin, on se rappelle, exactement. Donc, elle est étudiante en psychoéducation ici même à l'UQTR et s'est engagée à faire du bénévolat pendant 40 heures par mois. Ça fait vraiment psychoéducation? Ben oui, tout à fait. De son côté, en fait, avec les personnes qui vivent déjà là, on va parler des enfants, des petits-enfants, de leur ancien métier. On va parler de voyage aussi. Il y en a certains qui vont s'ouvrir beaucoup plus facilement que d'autres. Si, par exemple, leur conjoint est malade, eh bien, ils ont besoin d'en parler. C'est souvent à cette personne-là qu'ils vont aller parler. On a vraiment créé un lien là, entre les résidents et la jeune étudiante. Donc, la résidence avait offert, comme je le disais tout à l'heure, 2 logements gratuits à des étudiants pour justement égayer là, la vie des personnes qui restent déjà là. Sûrement que les gens qui travaillaient là-bas devaient faire une partie de cette job-là quand même, mais ils ont beaucoup d'autres tâches à jongler en même temps. C'est ça, exactement. C'est plus du bénévolat à ce moment-là. Et ça fonctionne très bien pour le moment. Du côté de la résidence, on dit que la jeune étudiante est vraiment très humaine. Elle est très ouverte à tout le monde. Donc, c'est un petit peu ça aussi l'optique de créer un projet comme celui-là. On oublie l'âge de la personne avec qui on vit, malgré la grande différence d'âge. On essaie d'encourager la jeune fille à continuer ses études parce que les résidents trouvent qu'elle est très intelligente. Ah. Donc, c'est le fun. Il y a un côté qui les motive aussi dans tout ça parce qu'elle redonne de l'énergie aux personnes âgées qui en ont plus ou moins à ce niveau-là. Cure de jouvence. Exactement. Ouais. Et comme elle est musicienne, elle sort parfois sa guitare, le temps de jouer, le temps de chanter quelques morceaux. Il y a une résidente, d'ailleurs, qui a recommencé à jouer du piano après son arrivée. La plupart des gens qui vivaient là ne savaient même pas qu'elle pouvait jouer du piano. Et là, maintenant, tous les jours, avant et après les repas, elle va aller jouer du piano. Donc, la résidence, en fait, s'est inspirée d'une pratique qui se fait déjà aux Pays-Bas pour lancer le projet. Ça se fait nulle part ailleurs au Québec jusqu'à présent. Peut-être qu'on va avoir créé quelque chose de spécial ici à Trois-Rivières, mais comme je le disais tout à l'heure, on avait reçu quand même une vingtaine de curriculum vitae d'étudiants qui étaient intéressés à habiter avec les aînés. Et la direction a fait passer des entrevues pour justement choisir les meilleurs candidats. C'est ça, ça me fait penser au fait que si on parle de Joliane Plante comme étant la nouvelle là-bas, ça veut dire que s'il y avait 2 loyers, il y en a juste une qui est engagée, non? Bien, en fait, il y en avait 2. Jusqu'au début du mois d'avril, l'autre jeune femme a dû quitter pour des raisons de santé. Ah, donc, la direction, présentement, est à la recherche de quelqu'un d'autre. Bonne nouvelle. À recevoir de nouveaux curriculum vitae. Trop tard pour Tania. J'aurais tellement aimé ça. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est possible pour vous d'envoyer votre curriculum vitae à la résidence des marronniers. Puis peut-être, est-ce que vous serez l'heureux ou l'heureuse élue pour le deuxième poste qui reste. Un appartement gratuit pour 40 heures de bénévolat par mois. Allô? C'est sérieux. Hey, mais il faut des gens qui ont des bonnes intentions. Tu vois que les 20 CV qui ont été envoyés, s'ils en ont gardé 18, s'ils en ont gardé 2, les 18 autres, t'es peut-être là plus pour l'argent. Exactement. Comme ça. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas beaucoup le 40 heures par mois. Donc, pensez-y. Et peut-être, est-ce que vous allez changer la vie de ces personnes-là si jamais vous arrivez à y vivre. Donc, moi, je vous conseille, là, en fait. Je vous appelle à aller mener votre curriculum vitae pour nos personnes âgées, s'il vous plaît. 40 heures divisé par 4, ça fait 10 heures, divisé par 5 jours semaine, c'est peut-être 2 heures par jour. Exact. Genre. C'est l'heure du souper. C'est ça. Tu sais? Hein? Le petit déjeuner? Ben oui. Hein? Bon, donc. En tout cas, pas. C'est ça. C'est parfait. On a assez vendu le produit. Maison des marronniers, c'est mais ça. Mais on s'entend que pour pouvoir arriver à faire ça, ça prend quand même de la motivation. Ben oui. Y a une certaine productivité aussi à avoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous montre, ou du moins, je vais peut-être vous aider à accroître votre motivation et votre productivité. Okay. Donc, c'est le moment, c'est bon ça. Peut-être est-ce que vous avez la fâcheuse habitude, en fait, de tout remettre au lendemain? Ben oui, hein. Ah ben oui, ben hein. Oui. Peut-être est-ce que cette chronique sort d'une conversation que j'ai eue avec Mathieu récemment. Peut-être que je vais t'écouter plus encore qu'à l'habitude. Peut-être. Bien, en fait, il n'y a pas vraiment de manuel d'instruction qui dit les meilleures façons de maximiser votre temps de travail. Mais quand même, j'ai trouvé quelques conseils pour vous qui vont vous aider à remplacer la procrastination par la concentration, mesdames et messieurs. Donc, l'important, c'est un bon plan de travail. Ouais. Si on est directement au travail, là, rien motive plus que la rédaction d'une liste. Donc, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, des tâches à accomplir pour motiver à vous mettre au boulot, noir sur blanc, les tâches à accomplir, ça devient pas mal plus concret à ce moment-là. Ça va être beaucoup plus aisé aussi dans votre tête lorsque vous allez regarder cette liste-là, que si vous vous dites, bon, c'est quoi déjà j'avais à faire, je suis pas sûre que mon conseil préféré là-dedans, là, je sais pas si t'allais l'aborder, là, mais c'est de commencer ta liste de tâches par des choses que t'as déjà accomplies. Comme ça, tu peux barrer des trucs dès le départ. Tu fais comme, wow, j'ai accompli quelque chose. Tout moi, à fait. Tout le temps, ça. Puis ça va aussi vous permettre de peser le pour et le contre à court et à long terme. Mm-hmm. Vous allez peut-être pouvoir établir votre liste selon qu'est-ce qui va prendre le plus de temps à faire et tout ça. Donc, à ce niveau-là, créer une liste, c'est quand même bien et ça va accroître à un certain moment votre productivité. Vive les post-it. Exactement. Par la suite, il faut être réaliste. On peut pas changer ses habitudes de vie du jour au lendemain, non, on s'entend. C'est le fun. Mais on peut pas. Il faut du temps, il faut des efforts qui sont constants. Donc, la meilleure façon pour y parvenir, c'est en vous fixant des objectifs qui vont être simples et qui vont être réalistes. Okay. C'est un petit peu dans le même style que d'y aller pour une... comment qu'on appelle ça? au nouvel an. Les petites résolutions. Oui, les résolutions du nouvel an. C'est un peu la même chose parce qu'il vaut mieux vivre plusieurs petites victoires qu'un changement trop drastique qui va mener à un rythme de travail ou à un rythme de vie qu'on ne sera pas nécessairement capable de tenir. Donc, il faut vraiment être réaliste dans ce à quoi on s'attend et ce dans quoi on veut accomplir aussi. Par la suite, il faut se fixer des limites, mesdames, messieurs. Okay. Il faut prendre ses messages, il faut s'accorder la permission de flâner sur les réseaux sociaux à des moments précis dans la journée. Il faut, par exemple, bloquer une heure quotidienne pour travailler sur un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, que ce soit, par exemple, des stratégies qui vont nous inciter à fixer des limites, bien, ça va jouer justement à la faveur de notre productivité ou la motivation à un projet quelconque. Donc, se fixer des limites, c'est vraiment, par exemple, si, je sais pas moi, vous, mettons, votre, projet incroyable, c'est de déménager. Mettons. Bon. OK. La limite que vous pouvez vous fixer, ça peut être une date à laquelle vous allez avoir trouvé votre nouvel appartement et un prix. Mm-hmm. Ou ça peut être aussi déterminer certains quartiers. Ou ça peut être de déterminer aussi la grandeur de l'appartement pour pas chercher un peu partout éparpillé. Donc, les limites, c'est quand même assez important dans les différents projets de vie. Par la suite, il faut se jouer des tours. Donc, par exemple, si on est au travail, si on est en train de travailler avec une équipe quelconque, de jouer des tours, de se déconnecter, c'est souvent ce qui va faire en sorte que la productivité ou la motivation au sein d'un groupe va être quand même assez, assez productive. Ben oui. Donc, je sais pas moi, débrancher l'ordinateur, se tourner l'imprimante, mettre du papier sur une liste pas mal plus courte de tâches, peu importe. Ce qu'il faut qu'on essaie de faire, en fait, c'est de jouer quelques tours pour demeurer productif. Parce qu'on va avoir un bon rire. Et par la suite, tout le monde va être capable de retourner à ces fameuses tâches qui sont quand même bien établies sur notre liste. Par la suite, il faut savoir se récompenser. Oui. Si vous avez effectué, par exemple, toutes vos tâches de la journée, que ce soit au travail ou si jamais vous étiez en train de travailler sur des projets personnels, sans nécessairement en remettre une seule à plus tard, eh bien, donnez-vous une petite tape dans le dos. Bravo. Accordez-vous une petite récompense, que ce soit cinéma, restaurant, sortie entre amis. L'important, en fait, c'est de vous faire plaisir. Donc, c'est quand même assez important de souligner ce que vous avez fait qui était bon. Votre détermination, la distance qui vous sépare de plus en plus de la fameuse procrastination de votre vie, bien, c'est ça qu'on va essayer de diminuer. Donc, à ce niveau-là, si on est capable de se récompenser parce qu'on va avoir fait dans la journée ce qu'on voulait vraiment faire, eh bien, à ce moment-là, vous allez voir que la productivité et la motivation à continuer le fameux projet beaucoup plus loin va être beaucoup plus facile. Ouais. Par la suite, bien évidemment, il faut compter sur le soutien de nos proches. Oui. Il y a rien comme le soutien des gens qu'on aime, bien évidemment. Il faut parler de nos défis avec nos amis. Moi, je vous dirais de pas tout le temps trop en parler à beaucoup de gens. Choisissez vos piliers. C'est tout simplement parce que si jamais, pour X raisons, ces fameux petits beaux projets ne fonctionnent pas, il va y avoir vraiment beaucoup de gens au courant. C'est ça. Genre, donc, tu l'as pas eu l'appartement, tu l'as pas eu la job, peu importe. Ça vous prend des piliers que vous savez qui, un, jugeront pas si jamais ça n'arrive pas, que deux, vont vous motiver aussi, ces gens-là, parce que ça va justement vous aider à rester dans le bain de ce fameux projet-là. Ça va vous rappeler aussi de pas lâcher. Donc, ce sont des gens d'influence, des gens de renforcement positif pour qui, peut-être, est-ce que vous admirez leur atout pour qui eux ont réussi à faire certains projets. Donc, à ce niveau-là, de chercher certains piliers, c'est quand même assez important et bien, il faut compter sur leur soutien. On peut aussi leur demander quelques conseils personnellement. Par la suite, il faut se mettre au travail, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour accomplir certains projets qui ne demandent pas du travail. Donc, la meilleure façon de vous motiver, c'est de vous mettre au travail. Installez-vous confortablement, mettez de l'ordre dans vos effectifs, de créer une ambiance qui va être propice pour justement accomplir les tâches que vous voulez accomplir par rapport au projet. Et vous allez vous fixer une limite de temps pour régler chaque dossier, mais aussi pour devenir une espèce de motivation supplémentaire. Parce que plus vous allez regarder le temps, non seulement ça va pas vous stresser, faut pas que ça vous stresse, mais ça va vous motiver à beaucoup plus travailler. Et par la suite, bien, il faut se concentrer sur une seule et unique tâche à la fois. Ouais, hein, c'est ça. Exactement. C'est difficile de jongler avec tout en même temps. Il faut éviter de chercher à tout faire en même temps. Il faut oublier le multitasking. Il faut se concentrer sur un seul dossier à la fois afin de justement maximiser votre concentration. C'est difficile de trouver la priorité, lequel faire en premier, parce que des fois, l'un va avec l'autre. Ben non, tu te poses les bonnes questions, puis à ce moment-là, tu vas être capable de déterminer lequel okay, fait que je te pose devrait ces questions-là, être... C'est bon. Ouais. Lequel devrait être ta priorité. Et à ce moment-là, bien, c'est lorsque cette priorité-là va être sortie du lot que tu vas être capable de, justement, accroître ta motivation et ta productivité ouais. par rapport à celui-là. Par la suite, tu passeras au deuxième, mais le plus important, c'est de vraiment y aller, comme si on s'était fait une liste pour nos projets aussi, d'établir lequel vaut la peine d'être fait en premier. T'aurais dû devenir coach de vie, si ça t'aurait dû faire. Incroyable. Voilà! Hey! Coach de vie, Tania Baudin. Nouvelle carrière. Non, elle a déjà une autre nouvelle carrière. Non. Une dernière chronique de Tania is gonna entertain ya à vie. Oui. Potentiellement plus tard dans l'émission. Mm-hmm. Merci Tania Baudin. Hey, ça fait plaisir. Un autre choix musical que tu nous as amené aujourd'hui, de chansons que tu as aimées à travers ta longue carrière. Ouais. C'est celle de Milk and Bone. Voici Nevermore. Me up in the middle of the night. Delight d'Assemblage Requis. Avant ça, on a entendu Malcolm Bone avec Nevermore. Oh. Bon choix. Deux très bonnes pièces. Tania, t'as du goût. Hey, merci. Eh oui. Maintenant, c'est le Black des palmarès, c'est fou. C'est l'heure de rendre visite à nos très négligés palmarès, c'est fou, tellement négligés qu'ils sont déjà en mode estival alors qu'il neige en ce moment. Ouais. Tu vois, ils sont déjà partis en vacances. Nos précédentes premières positions, en passant, c'était Loïc April et Soccer Mommy. Donc ça, c'était pour la période du début avril. C'était du 2 au 15 avril. Maintenant, on est rendu dans la portion du 16 au 29 avril, donc les deux dernières semaines du mois d'avril qui vont clore la session. On vous dit pas c'est quoi nos nouveaux numéros 1, mais je pense que ça a changé pas mal. Mm-hmm. Donc voici le bloc des numéros 1. Woohoo!

Black Mountain avec Constellations, un autre choix de Tania Baudin en cette dernière émission régulière d'Assemblage requis pour elle. Et parlant de dernière régulière, mais c'est la dernière régulière de Tania is gonna entertain me. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain me. Oui, elle décolle. Elle s'envole. Par la course. Crie sous ses pneus. Tania. Oui. Dernière chronique, t'as choisi de parler d'un train super. Oui, exactement. Je vous parle d'un moyen de transport entre Québec et Montréal ce matin. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Si on regarde tout simplement la fin de l'année dernière, c'est-à-dire en 2017, on parlait d'un TGV, c'est-à-dire un lien rapide entre Québec et Montréal. C'était le projet d'un monorail qui avait été remis sur la table après quelques années, parce qu'en 2015, le projet avait été rejeté. Donc, le projet de transport en commun, en fait, ça s'inspirait de la technologie, oui, du moteur roue développé dans les années 90. Ça avait été développé par un ingénieur québécois qui était Pierre Couture. Et là, c'était une coopérative de recherche québécoise qui décidait de faire la promotion d'un monorail à grande vitesse. Et bien évidemment, on se réjouissait quand même de l'intérêt du gouvernement québécois pour le projet majeur de transport en commun. Ce que ça faisait, c'est que, bon, évidemment, vous l'aurez deviné, ça faisait Québec-Montréal assez rapidement, merci. Le Québec, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'était engagé à lancer un appel de projet. Ça s'est réélu en 2018 pour créer un nouveau lien rapide entre Québec et Montréal. Il y a une nouvelle, en fait, qui réjouissait plusieurs personnes parce que, bon, il y en a qui travaillent dans la ville de Québec et qui travaillent dans la ville de Montréal aussi. C'est quand même assez difficile d'y aller en voiture. On sait qu'il existe quand même Via Rail qui est là. Par contre, ça prend quelques heures, hein, on va pas se mentir. C'est pas nécessairement super rapide. Donc, en Amérique du Nord, on n'a pas de transport en commun à grande vitesse. Et bien évidemment, certaines personnes disent qu'il serait, temps d'en avoir un. Ben oui. Donc, le monorail de la coop, ça allait être suspendu dans les airs et ça allait aller à plus de 250 km/h. On parlait d'un trajet entre la métropole et Québec dans un délai d'une heure. Donc, on aurait également une grande fréquence semblable à celle du métro qui existe déjà à Montréal. Et c'était un projet de 3 milliards de dollars qui allait aller un petit peu de l'avant, qui pourrait être réalisé dans un horizon de 7 à 10 ans. Ça, c'était à la fin de 2017. Et présentement, eh bien là, on parle d'un phénomène complètement différent. On parle d'un train supersonique Montréal-Québec. On est encore dans le même type de projet, c'est-à-dire de créer un lien entre Montréal et Québec à haute vitesse. C'est ça qu'on veut. Ça l'a pas encore changé. On cherche vraiment à pouvoir faire les deux grandes villes du Québec assez rapidement, merci. Mais on parle maintenant d'un trajet de 20 minutes. Wow. C'est sorti le 6 avril dernier, donc c'est tout frais, tout beau. C'est un projet, bien évidemment, qui suscite beaucoup d'attention. C'est un système de transport sous vide, Transpod. Donc, on n'a plus nécessairement le même type de système de transport qu'on avait avec le projet du dit TGV. Enfin, il faudrait moins de 20 minutes pour le trajet Montréal-Québec et un peu plus d'une demi-heure pour Montréal-Toronto. Enfin, le Québec pourrait jouer un rôle assez important dans le développement du transport sous vide. C'est comme un Hyperloop. Oui. Qui est mieux connu, en fait, sous ce nom-là du côté anglophone. Et c'est une entreprise, donc Transpod, qui propose sa version du concept popularisé par Elon Musk. On se rappelle, on était dans la tête de liste des places où on pouvait voir le projet d'Elon Musk, qui étaient les fameuses capsules là, qui circulaient à plus de 1000 km/h, voir un petit peu le projet vivre ici au Québec. Tu veux arrêter à Trois-Rivières, est-ce que tu te pitches en bas, c'est ça? On ne sait pas encore. On ne sait pas s'il va y avoir des arrêts, mais il y a 10 sociétés, qui développent cette fameuse technologie-là dans le monde. Et Transpod fait partie des trois premières. Ça vient de Toronto. Par contre, ça a été créé par un Québécois. Donc, ça a un avantage technologique assez important. C'est un ancien cadre de Bombardier et d'Airbus qui voit plusieurs corridors assez intéressants où on pourrait justement déployer ce mode de transport quand même assez futuriste. Calgary-Edmonton, Toronto-Montréal. Montréal et bien évidemment Montréal-Québec. Donc, le train ferait le trajet entre les deux dernières villes, c'est-à-dire Montréal et Québec, en 20 minutes. Aux yeux des gens qui s'intéressent à ce fameux petit projet-là, le Québec, c'est un endroit idéal où on pourrait faire progresser cette ambitieuse technologie. Pourquoi? Mais en fait, ce qui est intéressant pour le Québec, c'est que dans ce qu'on développe, il y a énormément de synergies avec l'aéronautique. Okay? Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut cacher nécessairement. On le sait qu'on est assez, innovateur dans ces technologies-là. Mais même si ça ressemble à un train, on a des environnements qui sont sous vide. Donc, on utilise les technologies de l'aérospatiale. Et Transpod a obtenu en 2016 un financement de 15 millions américains de la part d'une firme italienne qui s'appelle Angelo Investment. Et on est maintenant à la recherche de 50 millions américains. Bon, c'est des grandes sociétés européennes qui seraient sur le point de s'engager dans ce beau projet-là. On sollicite également des investisseurs au Canada, dont par exemple la Caisse de dépôt et placement, pour financer une étude de faisabilité sur une éventuelle liaison Transpod entre Montréal et Québec. On s'entend, c'est un projet. Ouais. Pour le moment, on n'a pas encore de chiffres ou quoi que ce soit. Ou de date. On fait appel, en fait, au gouvernement Couillard. Mais jusqu'ici, l'intérêt est quand même assez tenu, là. Les gens sont émerveillés de ce projet-là. Donc, tout le monde trouve le projet super intéressant. C'est beau de le dire, mais maintenant, il faut le faire. Donc, Bombardier a songé à investir dans Transpod il y a 2 ans. On s'est ravisé après le départ d'un vice-président. On s'entend, ça avait fait les unes de pas mal tous les journaux. Ça avait brassé pas mal du côté de Bombardier à ce moment-là. Donc, on se demande si Bombardier serait peut-être intéressé à regarder, en fait, ce beau projet-là pour voir si on n'aurait pas un investissement à faire avec Transpod. Si on embarque dans le projet, le Québec pourrait en fait s'assurer que le développement de la technologie Hyperloop, ça va se faire ici en partie, donc ça créerait des emplois. Les usines québécoises d'entreprises européennes comme par exemple Liebherr, Stelia puis Thales pourraient être mises à contribution parce qu'elles sont déjà ici. Donc les moteurs et la structure des véhicules, ce sont deux gros morceaux qui pourraient être développés au Québec et ce sont les investisseurs qui vont dicter où ça va se faire. L'Europe, en fait, s'est déjà positionnée. L'Italie s'occupe de la transmission et de la puissance et ainsi des systèmes de communication et de signalisation. L'automne dernier, le ministre des Transports, qui est M. André Fortin, a évoqué l'Hyperloop comme moyen de transport rapide pour justement relier Montréal et Québec. Donc, les propositions les plus osées sont bien évidemment les bienvenues. On voit qu'il y a un intérêt de la part de la population à ce niveau-là, mais pour l'instant, on n'a aucune rencontre qui est prévue, par exemple, entre des membres du gouvernement et Transpod. Si on regarde Transpod Montréal-Québec en chiffres rapidement, combien est-ce que ça coûterait? Ben, c'est 5 milliards. Un G, c'est milliard, hein? Oui. Il me semble, je suis pas sûr. Il me semble. Un M, c'est million, un G, c'est milliard. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, ça serait un projet de 5 milliards. La durée du trajet, bien, on l'a dit tout à l'heure, ça serait environ de moins de 20 minutes. Un coût pour un billet aller simple, ça serait aux alentours de 50$. On s'entend, on fait Québec-Montréal pour 50$. C'est pas pire pantoute. Les fréquences des départs, ça serait à tous les 80 secondes. Donc, c'est assez rapide. Et l'entrée en service potentiel, eh bien là, on regarde 2030. On s'entend, on est en 2018. Pour élaborer le projet, pour voir l'intérêt des compagnies privées, des compagnies publiques, bien, on se doit de se donner du temps. On doit faire des tests aussi, bien évidemment, parce que ça, on s'entend, ça roule à une vitesse quand même assez impressionnante. Donc, on doit de tester cette marchandise-là. Mais je crois que c'est un projet qui pourrait avoir quand même beaucoup de succès, surtout qu'on pourrait y mettre, encore une fois, un côté très, très énergie renouvelable. On parle d'un Hyperloop, on parle de quelque chose qui fonctionne quand même assez à énergie verte, quand même assez bien. Est-ce qu'on irait dans un moteur qui est électrique à ce moment-là? C'est quelque chose d'autre à voir. Mais pour circuler entre Montréal et Québec en moins de 20 minutes, je crois que les chiffres doivent parler, c'est-à-dire qu'on doit au moins se donner la chance de pouvoir observer ce que serait le projet si ça fonctionnait et de mettre à l'épreuve tout ça. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, moi aussi. J'aimerais ça qu'il y ait un arrêt à Trois-Rivières. Moi aussi, tout à fait. Et on se rappelle, dans la ville de Québec même, en fait, parce que là, on parle vraiment de projet de transport ce matin. Dans la ville de Québec même, on parlait d'un projet de tramway sur 23 kilomètres. Mm-hmm. Donc, on voulait faire un petit peu comme à Toronto. Si vous êtes déjà allé à Toronto, en fait, vous avez déjà probablement remarqué ces fameux petits beaux tramways rouges. Ou si jamais vous avez déjà écouté Degrassi, il y en oui, a dedans. Ça. Donc, il y a quelques temps de ça, Québec avait annoncé justement son intention d'implanter en fait un tramway dans sa ville pour un petit peu entrer dans la modernité à son tour. C'est un projet qui avait été rejeté en 2015, lui aussi. Finalement, on a été confirmé un petit peu plus tôt le mois dernier. Donc, c'est une nouvelle qui va complètement chambouler le quotidien des habitants parce que on a décidé de faire une liste quand même des points importants qu'on doit retenir à propos de cette annonce. Le premier. C'est un projet sur 23 km de long. Donc, le tramway va partir du futur IKEA, du côté de Québec, de l'avenue Legendre, et va aller jusqu'à Charlebourg. Par la suite, on a peu d'impact pour les automobiles. C'est-à-dire que le chef du projet a pris la peine de préciser que seulement 1,7 km des voies qui allaient être utilisées par le tramway allaient pénaliser pour la réalisation des plans. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup d'automobilistes qui vont dire qu'il y a beaucoup de trafic à cause du tramway. On a seulement 1,7 km qui va s'agencer. Exactement. Ouais. Par la suite, on parle de... On parle de service rapide. Donc, le tramway va passer à tous les 3 à 5 minutes en période de pointe et à tous les 10 à 15 minutes le jour et le week-end. C'est parfait, ça. Par la suite, plage horaire assez accommodante. Le tramway, ça devrait servir en service de 5h le matin à 1h le matin tous les jours, un peu comme le métro du côté de Montréal. Ben oui. Par la suite, haute capacité. Dans un tramway, on a jusqu'à 260 personnes qui vont pouvoir entrer dans un seul véhicule. Donc, il y en a plusieurs, bien ouais. évidemment. Par la suite, c'est éco-responsable. Donc, le tramway va être proposé grâce à l'électricité, à l'aide des lignes de contact qui vont être aériennes. Pareil, vraiment, là, le projet est vraiment le même que du côté de Toronto. Donc, tout va se faire à l'électricité. C'est éco-responsable. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement montrer un meilleur projet que celui-là pour l'environnement. Et par la suite, ben, c'est parfait pour les milléniaux parce que le Wi-Fi va être disponible gratuitement à l'intérieur des véhicules. Ça se fait de plus en plus du côté du métro de Montréal. On est en train d'essayer d'instaurer justement le Wi-Fi parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui passent quand même une bonne partie de leur temps dans le métro le matin ou le soir. Et ça rend la chose beaucoup plus intéressante pour continuer à travailler. La productivité. Exactement. Le trajet va aussi être souterrain, c'est-à-dire qu'il y a 3,5 km qui vont être dédiés aux voies souterraines. C'est des stations qui vont être, entre autres, établies à la place Diouville, à la colline parlementaire et au Grand Théâtre, qui est le secteur de Sainte-Foy. Des emplacements qui sont quand même assez achalandés, donc c'est pourquoi on a décidé de les mettre de façon souterraine. Et à ce projet, ça s'ajoute bien évidemment celui des trambus, qui inclut quelques points, c'est-à-dire 17 km de long, en service de 5h à 1h tous les jours aussi, des passages aux 3 à 5 minutes, un petit peu comme le tramway, et tous les 10 et 15 minutes de jour et le week-end, et 150 personnes par véhicule. Le trambus, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un projet d'autobus qui est beaucoup plus écologique okay. que ceux qu'on connaît présentement. Ben, je me demandais, OK, tramway, autobus, on a déjà ça. Le trambus, c'est quoi? C'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux, okay. mais de façon écologique. Donc, à ce niveau-là, Québec essaie de se mettre sur la map un petit peu plus de façon éco-responsable. Au niveau des transports aussi, suffit de voir si ce fameux Hyperloop Montréal-Québec va être capable de voir le jour. Ici, bien évidemment, on va être capable de faire un arrêt quelque part. Hey. Peut-être voir même Trois-Rivières. C'est excitant, hein? On a une gare. C'est s'il ça. Vous plaît, ravivez notre gare. Servez-vous-en, voyons-en. Ben oui, tout hein? à fait, il faut. Merci Tania Baudin. Hey, ça fait plaisir. Des belles idées pour terminer ça. Oui. Il fait aussi que tu termines avec un dernier petit toussotement. Bizarre de voix dernière fois. On le dit depuis maintenant 4 ans, c'est sec en studio. C'est un petit peu sec. Un petit peu sec. Ça changera pas parce qu'il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. Merci Tania Baudin. Hey, ça fait plaisir. On se retrouve après la pause avec Mathieu Janvier et sa chronique Jeu à gogo. You know, a town with money's a little like the mule with a spinning wheel. No one knows how he got it, and danged if he knows how to use it. Mule. The name's Lanley, Lyle Lanley. And I come before you good people tonight with an idea. Probably the greatest... Oh, it's not for you. It's more of a Shelbyville idea. Now, wait just a minute. We're twice as smart as the people of Shelbyville. Just tell us your idea, and we'll vote for it. All right. I tell you what I'll do. I'll show you my idea. I give you the Springfield Monorail. I've sold monorails to Brockway, Ogdenville, and North Haverbrook, and by gum, it put them on the map. Well, sir, there's nothing on earth like a genuine, bona fide, electrified six-car monorail. What'd I say? Monorail. What's it called? Monorail. That's right, monorail. Monorail. Monorail. Monorail. I hear those things are awfully loud. It glides as softly as a cloud. Is there a chance the track could bend? Not on your life, my Hindu friend. What about us Brendan slobs? You'll be given cushy jobs. Were you sent here by the devil? No good, sir, I'm on the level. The ring came off my pudding can. Take my penknife, my good man. I swear it's Springfield's only choice. Throw up your hands and raise your voice. Monorail. What's it called? Monorail. Once again. Sorry, Mom, the mob has spoken. Monorail! Monorail! Monorail! Mono, don't! Disappointment haunts everyone, but if it's you worst of all, oh, yet you used to bury the sea, and you would watch it. But you tried to mean it though. But nothing gets past you now, 'cause you always see it come. Said it moves even slower than you, which is amazing, 'cause you're so dumb. I tried to talk to you and call you wrong, but you'd get angry and you would suck your teeth at me. Don't want no answers when you got no questions. The only decent thing but if it's you worst of all, oh, oh, oh. Yet you used to bury the seed, water it and watch it grow. Used to still get

Here I Wait de Cat Meows à Assemblage Requis. Oui, vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées. C'est la dernière émission régulière pour Tania Baudin ben aujourd'hui. Oui. Ben oui, c'est comme ça. On va le dire jusqu'à temps qu'elle s'en aille. Ben, c'est ça, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On va brailler à la fin. Mais pour l'instant, c'est Frédéric Simon qui va nous faire rire, lui aussi. Mais comme tu sais, il va nous faire pleurer, mais de rire, ça. Ouais, c'est ça. Aussi, okay. Dans les coulisses à la lutte. Ça se tenait pas bien. Et là là. D'entrain et de pleurs parce que la saison est terminée. Ah. Oui, la lutte, c'est fini. Ça, c'est derrière nous pour cette saison. C'était saison 13, j'entends dire. Hein? Eh oui. 13e, ça passe vite. Hein? 13e sous l'appellation de la lutte. Donc, oui. Telle qu'on la connaît avec la perle et tout. Avant ça, il y a eu quoi? La Ligue universitaire des professeurs. C'est une excellente question. Oui, la LUIG. Oui, oui. C'est bien ça, la LUIG. Ligue universitaire des professeurs du Gazou. Tu as aussi les Patriotes improvisation qu'il y a eu au début, je crois, si je me rappelle bien. J'essaie de retenir ce qu'on m'a dit. Et là, je sais que présentement, selon nos prix qu'on a reçus, c'est la Ligue d'improvisation universitaire à Trois-Rivières, donc la Lutre en ce moment. Oh. On est devenu la Lutre. Tu m'étais dit que je le dirais pas en nombre. Mais ouais, hein, c'était contredit. Ça me fait rire, je trouve ça cute. Ben, des petites coquilles comme ça, ça arrive. C'est la Lutre, c'est les improvisateurs. Bon, on pourrait faire ça d'un petit galop de lutte. Ben oui. Ah, ben oui, quelle bonne idée. Après la poke et l'huître, la poudre de l'huître, la Mario Party l'huître, un petit peu de combat de lutte. La promo lundi soir à 20h. C'est ça. Monday. Donc, le match qui avait lieu lundi était la grande finale. Oui. Qui faisait affronter les deux gagnants des demi-finales, faut croire. Ben, c'est la logique qui a été respectée. Les sports. Pour la finale. Ouais. On n'aime pas toujours les bons gagnants à la fin, mais on sait qui a gagné la demi-finale. En effet, donc les deux équipes, les Verts et les Rouges, qui ont fini premier et deuxième au classement, qui se sont affrontés en finale dans un match extrêmement serré. Hey, oui, non, mais pas vrai. Là, on a eu des matchs serrés toute la saison, là, mais de finir aussi serré que ça, on était sur le bout de nos sièges de métal peu confortables. Et oui, il n'y a pas eu d'écart durant le match, donc ça s'échangeait un point de chaque côté, quasiment à chaque impro. Donc, ça s'est terminé sur la dernière impro, mais on en parlera tantôt. C'est ça, une chose à faire. Il faut bien parler un petit peu du match. Excellent match. La pression, tu m'as dit d'être drôle en plus, fait que... Bon. Ouais, rappelle-moi pas ma mauvaise intro de tantôt, là, c'était vraiment pas réussi ça. Écoute, on a commencé avec une impro mix dont le thème était collision. Ouais. On s'est retrouvés dans l'espace. Ouais. J'ai commencé l'impro, donc moi-même, Frédéric Simon, avec Gabriel Lecomte. Oh, dis prétention. Ben là, tu m'as pas présenté officiellement, genre au début de la chronique. Hey, t'as raison, mon intro, t'avais vraiment de la merde aujourd'hui. Frédéric Simon, joueur de l'équipe des Verts dans la Lutre et mon ancien co-animateur. Voilà. Voilà. Merci. Je suis là maintenant, je peux y aller. Oubliez tout ce qu'on a fait, là. Remettez ça au début, au montage, ça va être parfait. Donc, un accident de voiture spatiale. Et si vite arrivé. Si vite arrivé. Et c'était une impro à relais, donc tous les joueurs ont participé à cette impro. Tag team, façon lutte. Ben, un peu, mais c'était l'arbitre qui décidait quand on embarquait, donc chaque joueur a fait une minute sur l'improvisoire. On s'est relayé, ça s'est passé d'un accident à une invasion dans un trou noir avec des extraterrestres. On a voyagé dans cette impro. Oui. Ensuite, on est allé, comme dans mes rêves, les Verts ont décidé de faire un cadeau de Noël à Caroline Talbot en lui offrant un gros mech armor. Oh, ouais, ok. C'est le genre de robot dans lequel tu es pour te rendre plus fort. Là, oui. L'espèce d'exosquelette. Joué par moi-même. Ben oui, hein. T'es productif dans ce match-là. Hein. J'ai été une victime un peu. On m'a beaucoup brassé dans ce match-là. On en parle encore. T'as été un joueur clé, qu'on va dire. Un joueur objet. Du côté des Rouges, c'était un psychologue qui rentrait dans le rêve de son patient. Un peu spécial, ce patient-là qui rêvait d'une pipe faite par une grenouille. Oh boy! OK. Ouais. Grenouille, c'était Gabriel Lecomte, ça, hein? La grenouille. Oui, en effet. On savait pas trop parce qu'il y avait Karine Perron qui faisait le bruit de la grenouille. Ça ressemblait plus à un chat au début. Oui. Ça va pas mal. La première, il y en avait un qui voulait quelque chose, l'autre voulait l'autre chose, fait que ça s'est décidé en fait. C'est devenu une grenouille chat. C'est ça. On est allé ensuite, encore une fois, un mix avec Le Pardon. Encore une fois, devine qui est allé jouer du côté des Verts. Hey, Frédéric Simon. Frédéric Simon qui est embarqué avec Gabriel Béhoud. Il est fort, là. pour s'avouer des choses. Parce que un avait couché avec la femme de l'autre. Et par hasard et total, l'autre aussi. Réciproquement. C'est ça. Mais bon, on passe à autre chose. Ben ouais, j'ai aimé le moment où les deux copines sont arrivées et se sont mises sur le mauvais gars. Oups, je m'excuse. Ouais, c'est bon, ça, exactement. C'est l'autre. Des imbroglios comme ça, ça arrive. Faut juste sauter hors d'été que ça arrive. Il y a eu une impro catégorie avec... pub, placement publicitaire. Hey, j'ai adoré ce concept-là. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça, je crois, en tout cas. Explique-nous comment ça fonctionne d'interrompre une impro avec une pub. L'arbitre décidait d'intervenir à quelques endroits dans l'improvisation et deux joueurs désignés devaient aller faire une pub, puis ensuite, les joueurs qui faisaient l'improvisation reprenaient, devaient prendre le concept de la pub et l'intégrer à l'impro. Placement de produits. Exactement. Ah, wow. Donc, c'était le thème, le départ de mon père. Et... Le protagoniste, en fait, le père retrouvait sa fille après des années et il y a eu des pubs de teinture pour les cheveux, pubs de sites de rencontre pour le père dont la mère, en fait, il était veuf, donc... Ben, c'est ça. Et comme les vrais placements publicitaires, c'est pas toujours très subtil dans l'impro. C'était parfait de voir ça. C'était absolument pas subtil. Viens, je vais te faire teindre les cheveux. Et toujours joué par les mêmes personnages dans les pubs. Donc c'était ouais. Marc et Martin. Qui était joué par Jocelyn et Gabriel Béhoud. Jocelyn Garnier. Centre-ville Montréal, on s'attendait à peut-être une impro d'itinérance ou quelque chose du genre. Ouais. Finalement, Jocelyn Garneau a décidé de faire une émission intitulée Centre-ville Montréal dans laquelle il incarnait des joueurs de hockey ouais. interviewés. Et ça, c'était une impro où chaque joueur, il y avait un joueur par équipe. C'était une caméléon. Qui jouait donc, cinq rôles. Exactement. Donc, il devait avoir minimalement cinq personnages distincts effectués par le même joueur. Donc, c'était une solo. Et Jocelyn Garneau a incarné Piqué Subban, Carey Price, Max Pacioretty. Même s'il m'a demandé sur le banc, c'est qui joue encore avec les Canadiens. Parce qu'il n'y avait clairement aucune idée. Là. Ça se voyait, mais c'était ça qui était drôle. T'sais. Il m'a demandé Beaulieu, il joue-tu encore avec les Canadiens? Je fais comme, ben non, mais il a quand même fait Beaulieu. Il fait comme, je sais pas pourquoi on m'a invité ici. Ouais. Et l'autre côté, c'était qui? C'était-tu... dans l'autre équipe, c'était Marc Lachance, c'est-tu Marc Lachance, non? C'était... oui, c'était Marc Lachance. Lachance. Parce que d'habitude, dans les caméléons, c'est un gars qui a des multiples personnalités de toute façon en vie. Marc Lachance qui incarne sa folie habituelle, ses personnages toujours un peu, toujours plus flyés. Ouais. on va continuer. L'impro, l'échappé. Oui, et non pas l'échappé, comme j'ai entendu, mais c'est l'échappé. Ouais. Non, l'échappé. Donc, les Rouges ont décidé d'échapper quelque chose de sacré, d'important. Mm-hmm. Nous autres, on a décidé d'échapper un bébé. Un bébé. Et il y avait une des joueuses, je me rappelle pas qui avait le micro dans les mains, mais tu sais, quand le bébé est tombé, ça a fait... C'est Jocelyn Garneau qui a tapé sur le micro. C'est beau. C'était un bruit de bébé sur le plancher. Le timing était excellent. Mais on n'en est pas resté là, tu sais, quand même. On a amené l'impro ailleurs. On avait quand même une petite idée de voir s'en aller. Une autre impro catégorie que Alexandre Marchand aime bien amener, c'est la catégorie synopsis. Oui. Dans laquelle il donne deux titres de films. On choisit un titre de film et après, il dit le synopsis qu'il faut interpréter. Et il avait clairement choisi un titre de... En tout cas, il avait choisi, je sais pas si c'était le titre ou le synopsis en premier, mais le titre que tu n'avais pas le choix de prendre celui-là. C'est... Oui, c'est une affaire avec une vengeance d'une guillotine volante et de bras extensibles. Ça, c'est genre le titre du film. Puis là, genre le synopsis, c'était ça, mais en plus détaillé. Où t'avais des gens qui manquaient des membres, puis qui... Il y avait, un manchot, une personne avec des bras extensibles, un aveugle. Ouais. ça a été le... C'est un vrai film, probablement, ça. Là. Mais c'était meilleur film, en impro. C'est un film chinois des années 60. Évidemment. Parce que Alex aime les choses obscures. Tout à fait. Après ça, on est allé de choses obscures à des choses turbo cool. Oh, wow! Dans les lesquelles jeunes. Karine Perron et moi avons créé une crew. Ouais. Vraiment cool. Thématique d'agrumes et de fruits. Ah oui, ah, ok. Ça, c'est un de mes moments préférés du match. Rappelle-nous les prénoms de tout le monde là-dedans. Est-ce que tu t'en rappelles? J'étais Bruno. Poireau, c'était encore plus drôle. Ouais. Et Karine était Clémentine. Clémentine. Tu sais, les gens vraiment hot dans la rue s'appellent tous Clémentine et ben Poireau. Oui. Là. Et on avait des pogs. Oui. Ah, attends, c'était qui? Il y avait la. Je sais pas si c'est dans celle-là ou une autre, mais il y avait la famille grecque. Oui, c'était dans celle-là. Pizza grecque. Et I. Et I grecque. Et patate grecque. C'est ça. C'est adorable. La famille grecque. de continuer ensuite avec la catégorie, pas la catégorie, mais le thème, l'inspiration, dans lequel les Rouges ont eu comme une élimination pour une œuvre d'art, tandis que j'ai joué l'inspiration de Jocelyn Garneau en allant m'acheter un café, et c'est là que j'ai été malmené. Oui, raconte-nous. Tout bonnement, je m'achète un café, et en me retournant, Jocelyn Garneau remarque ma splendeur et me dit que je suis sa muse absolue et qu'il doit faire quelque chose avec moi. C'est alors qu'il me kidnappe et me traîne partout sur la scène. J'ai eu peur de me brûler le ventre. Contre le bois, hein? Oui, à force de me faire tirer comme ça. Il a été ciré récemment. Et ensuite, je me suis fait, comme on dit dans le jargon de jeux vidéo, teabagger. Ah non! Alors qu'il s'était assis sur moi. Donc, avec son... qui frôlait ton... C'est ça. Ouais. On a fini. Il restait deux impros ensuite. Le jour de la marmotte, où c'était une nouvelle catégorie aussi à la lutte. C'est bien ça aussi. Il y avait un débile impro qui revenait quatre fois. Et ensuite, il y avait un élément qui changeait l'improvisation, qui s'en allait complètement ailleurs. Ouais. Ou un petit détail peut changer vraiment tout le cours de l'improvisation par après ça. Oui, par petit détail, ça peut être que soudainement tous les joueurs participent à l'improvisation et se retrouvent dans la douche en même temps. Ou que, ben, finalement, il y a un pénis qui parle encore une fois. Encore, après le teabagging, t'as pas le choix. Ben, c'est ça. On est mature à la lutte. Ben oui, hein, on voit ça. Ligue d'impro de bord, c'est ça que ça donne. On a terminé avec une impro qui permettait aux équipes d'afficher leurs couleurs, donc une à la manière de au choix de l'équipe. Oui. Les Rouges ont décidé d'y aller à la manière de Claire Lamarche. Mais avec une remplaçante de Claire Lamarche. Une remplaçante de Claire Lamarche qui était très bien interprétée. Par Gabéoud, je crois. Par Gabéoud. Et ben, la personne retrouvée, c'était le cadavre de Marc Lachance. Où Marc Lachance faisait le mort, comme dans Weekend chez Bernie. Hein? Oui. Sur sa chaise, tout mou. Mais c'était normal pour tous les personnages, sauf la personne qui désirait retrouver son père. Ouais. C'était très drôle. Tandis que du côté des Verts, ben, un petit clin d'œil au public de la lutte. Pas le public de lundi soir précisément. Non, parce qu'on a eu un excellent public ce lundi. C'est ça. Le public qui parfois est un peu plus dérangeant. Ben, disons que la lutte a tendance à être un lundi soir, 20h, chose galerie gratuite, mais ça a tendance à être aussi après un entrepôt d'alcool et où. Autre gala, soirée, et les gens arrivent pendant le match et se commandent de l'alcool bien bien fort, se mettent à parler avec la serveuse et il y a plein de bruit qui se passe, donc souvent les arbitres doivent faire des chutes, puis Alexandre Aramiswiki doit aller les voir, les taper sur l'épaule avec son visage de bon gars, il y a de l'impro qui se passe, pourriez-vous écouter? C'est juste une demi-heure qui reste, ça, vous pouvez boire puis rester là, on n'a pas de problème avec ça. Mais bref, Jocelyn Garneau a interprété tous ces gens désagréables. Tandis que nous autres, à l'avant de la scène, on essayait de regarder une impro en regardant le public. Donc, on applaudissait, on riait des gags. Et le DJ faisait jouer l'intro de la lutte pour que ça ait l'air d'un début de match d'impro. C'était calculé, là, mais tout ça improvisé. C'était improvisé. C'était impressionnant. C'est une impro improvisée, comme on dit. Ouais. Et devinez, le point est allé à qui? Ben, j'ai un peu vendu le punch tantôt quand que j'ai dit que c'était la dernière impro qui avait décidé du match. Donc, le pointage 9 à 8 en faveur des Verts. Et voilà! Et donc, la malédiction est brisée. Enfin, en 13 ans, l'équipe des Verts avait jamais gagné une coupe. Et pire que ça, même avant l'existence de la lutte, l'équipe des Verts n'a pas gagné. Ça n'existait pas. Non, mais s'il y avait une équipe verte avant, elle n'a pas gagné non plus. Ouais. Je sais qu'il y a eu l'équipe des Noirs dans le passé. Est-ce que tu es en train de chercher quelque chose qui ressemble au vert, le noir? Non, mais l'équipe des Noirs a gagné, mais l'équipe des Verts, même dans les 13 ans d'existence, n'avait jamais gagné la coupe, sauf une fois où ce n'était pas vrai. OK, je l'ai dit tantôt, ça fait longtemps, on en a parlé beaucoup trop souvent, mais c'est des choses qui vont suivre l'histoire de la lutte pour toujours. C'était quand? Il y a deux ans. Il y a deux ans, où on avait annoncé que les Verts avaient gagné, ils ont pris la photo de coupe, etc. Ouais. On a fait un recalcul avec les pénalités puis les points. Oh non! Ça. Finalement, c'était les Bleus. Si c'était les bien. Bleus, parce que j'étais substitut des Bleus aussi à ce moment-là. Fait dans le fond, t'étais substitut des Bleus. Ouais. Fait que t'as eu comme une vraie coupe. Toi, personnellement. Mon nom est deux fois sur c'est la coupe maintenant, oui. C'est le fun. Mais cette fois, j'ai participé à la finale. Ouais. T'avais joué combien de matchs il y a deux ans? Le match régulier, j'en avais joué deux ou trois. Parce que Frédéric Simon était substitut des Bleus la première année qui était là. Deuxième année, il était co-animateur avec moi, donc pas dans l'équipe. Et là, il est devenu joueur, je pense, quel prix t'as gagné au gala? J'ai gagné le prix coup de cœur. Coup de cœur du public, tu sais, j'allais le dire. Mm-hmm. Coup de cœur du public, tu sais, substitut, rien pas tout, joueur régulier, coup de cœur du public. C'est une pas pétition, ça. Hein? Il y a de quoi s'enflatter avec ça, hein? C'est ça. Okay. Félicitations, Fred. Mais merci beaucoup. Et très donc, les étoiles du match, t'es remis à Justin Garneau, à Gabriel Béhoud et Karine Perron. Oui! J'y vais de mémoire parce qu'ils ne sont pas écrits sur le papier. Non, c'est ça. Il y a des choses qui sont faites, qui sont pas faites. Oui, mais écoute, c'était un match occupé, donc, oui. Puisque c'était suivi du Gala Mollusque, justement. Justement, je crois que c'est la feuille suivante ou autre après. Où t'as, ben, tiens, oui. Ben oui, toi, les prix qui ont été remis lors du Gala Mollusque. C'est un petit 15 minutes à la fin du match où on a donné des prix, des beaux petits trophées confectionnés par Alexandre Laramiezwicki. Alexandre Laramiezwicki et des cadres pour les bénévoles par Maxime Landry. Exactement. Voilà, donc qui a gagné quoi? Donc, dans la catégorie du joueur par excellence, ou aussi nommé le prix Mario Jean, les nommés étaient Francis Dugré-Lampron, Jocelyn Garneau, Marc Lachance et moi-même. Mm-hmm. Mais c'est Jocelyn Garneau qui est reparti avec le prix. Félicitations. Mario Jean, qui était un ancien dans la Luig ou dans les Patriotes Impro. Dans le tout début de l'impro ici. Du côté de la catégorie joueuse par excellence, aussi nommé le prix Hélène Martin, qui était présente dans la salle aussi. Oui, ancienne de la Luitre, présentement dans la Lime. Exactement. Les nommés étaient Magali Brousseau-Arcan, Joliane Dufresne, Karine Perron et Alexandrine Pichessire. La gagnante était Joliane Dufresne. Bravo! Une seule année à la Luitre et joueuse par excellence. Peut-être reviendra-t-elle dans 2 ans lorsqu'elle reviendra d'Inde. C'est vrai. Oui! She'll peut-être. Be back at Turkey! Donc, du pays de l'Inde. Oui, oui. Voilà, pour être tout à fait clair. Du côté joueur constructeur ou le prix Guillaume Chelette-Janson, les nommés étaient Magali Brousseau-Arcan, Joliane Dufresne, Jocelyn Garneau et Marc-André Marion Flamand. C'est Marc-André Marion Flamand qui a gagné ce Bravo. Prix. C'est vrai, c'est un gars théâtral et il bâtit des histoires très bien. Ouais. Du côté du joueur le plus apprécié par ses pairs ou le prix Robin Tremblay, les nommés étaient Francis Dugré-Lampron, Marc Lachance, Jonathan Picard, moi-même. Et puis c'est Marc Lachance. Bravo. Qui a gagné le prix du joueur le plus apprécié par ses pairs. C'est cadavre à multiples personnages. Catégorie recrue de l'année ou le prix Marc-André Fortin, qui était dans la ligue l'année passée. Ouais, c'est ça. J'avoue. Il était, ouais. C'est ça, c'était un retour pour lui. Il avait déjà été dans le but au début. En fait, c'est drôle que ce prix soit nommé Marc-André Fortin parce qu'il l'a jamais lui-même gagné. Ah, bon, tu vois. Mais bon, il était dans la ligue des années et disparu et revenu et en tout cas et redisparu. Mais c'est un personnage important de l'improvisation dans la région, donc ouais, le compteur, celui que vous connaissez là, en tant compteur, que compteur. Oui. Ouais. Nommés étaient Joliane Dufresne, Julien Laverty-Martel, Karine Perron, Alexis Roy et encore une fois moi-même. Non, mais c'est pas dans toutes les catégories sauf joueuses par excellence. Faut ça ressemble à ça, sauf joueur consultant. Moi, je construis pas, je fais juste des niaiseries. Le gagnant, c'est Julien Laverty-Martel. Oui, recrue, très très jeune recrue qui a du potentiel dans le futur. Oui, mais quand même de l'expérience en improvisation, qui joue d'ailleurs à la LIV à Victoriaville. Donc, ouais. Voilà. Le prix coup de cœur du public, ben on en a parlé, c'est moi qui ai remporté. C'est toi, ben oui. Mais il y avait aussi que, comme nommé, Joliane Dufresne, Jocelyn Garneau et Marc-André Marion Flamand. Et ça, c'est le fun parce que c'est le prix que le public a décidé. Donc, pendant les 2 demi-finales, les gens pouvaient aller voter à un petit kiosque à l'extérieur de la chasse-galerie et ils ont tous voté pour toi. C'est absolument pas parce que à la première demi-finale, j'étais à côté du kiosque à dire « Votez Fred Simon ben ». Mais ça, c'est un détail, comme on dit. Il y avait juste à faire la même affaire, les autres. Ben hein? Oui. C'est ça. Sinon, ben, on a souligné aussi le départ rapidement de quelques joueurs qui ne seront pas parmi nous l'année prochaine, donc Jocelyn Garneau, Marc Lachance, peut-être Karine Perron. On essaye la convaincre. Ah ouais. Ben voyons non. Mais Colin, ça, ces listes-là de dire au revoir à du monde qui vont peut-être revenir, ça me dérange là. Ben ouais. Mais on va voir, on va voir. Sinon, ben, il y en a que c'est sûr qu'ils reviendront pas, du genre Magali Moussorka, mais peut-être reviendra-t-elle comme DJ. On en a parlé un peu. Intéressant. Elle l'a fait comme remplaçante une fois, puis était vraiment bonne. Sinon, ben, Joliane Dufresne, ben, ça va en Inde l'an prochain. Elle donc, va revenir dingue. c'est ça. Ça. Et Alexandrine Pichessire, qui nous quitte, malheureusement. C'est triste, ça. Sinon, ben, l'impro à la Luitre, c'est terminé, malheureusement, mais il reste une semaine à la Lime. C'est vrai. Donc, je voulais en parler. Les Bruns ont gagné leur demi-finale hier, donc l'équipe composée de Maxime Tanguay, Pascal Chalette-Janson, Simon Potvin, Hélène Martin et Antoine Lacasse, comme si tu s'en va en finale contre les Roses. Donc, à la salle Alain-S, à l'heure Rousseau, la semaine prochaine, à 20h mardi. C'est 5$. 5$. Ça conclut la chronique. Yeah. J'espère qu'on va avoir un petit peu d'impro pendant l'été. Là. Cet été, tenez-vous au courant pour le Wombozle qui va avoir lieu encore une fois. D'habitude, c'est les jeudis. Je sais pas encore quand ça commence. Donc, ou l'endroit, mauvais perdant. Des fois, c'est souvent au mauvais perdant. Des fois, c'est pas. C'est confirmé que c'est au mauvais perdant pour l'été. Parfait, ça. Génial. Donc, on surveille ça. Wombozle sur Facebook. On suit les activités de la Luitre. Maintenant, on a un nouveau site web depuis. C'est juste à la fin de la session. Là. Bam! Nouveau site web. Oui. Qui servira à rien jusqu'en septembre. On va en reparler du site web. On va publier. On va essayer de garder le Facebook actif aussi pendant l'été. Donc, restez à l'affût. On va dévoiler les capitaines aussi pendant l'été. Donc, voilà. C'est plein de surprises, tout ça, la Luitre. L'amour est là entre nous. On s'aime tant. La Luitre, Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, page Facebook, Luitre, Frédéric Simon, on te retrouve bientôt. Je sais qu'on te revoit au Mathieu Planchot. Oui. Probablement fortement dernière fois tout à l'heure. Donc au Mathieu Planchot, c'est entre 15h et 17h les mercredis. Sinon, il n'y a pas de matière noire cet été? Non, un petite pause cet été pour matière noire. Ouais, ben les choses vont prendre des pauses cet été. Merci encore Frédéric Simon. Merci à toi. On prend une pause et on revient avec une dernière demi-heure avec Tania. Reste là. Normal, régulier. Ah oui, ben oui. Charge on my phone. I got a criminal record, so I'm doing like on the road. Rolling dice on the two of us with a bunch of tools from Europe. Got that right, I'ma paint it black and that payback is in euros. Looking back at my yearbook, you can tell I was made for me. Yeah, boy, I'm a playboy since day one. I don't play, homie. Holy moly, that's a lot of money. Tow money, that's my alimony. Young Dunny on the coast side, ring all white nigga out of motor. Man, I'm on it on my man. Yeah. Man, I'm on it on my man. Mets le dedo dans le club, mets le Benfi dans le cup. J'ai mon char de Chocook, mon deuxième nom sur mon corde. Squally by, squally does. Pourquoi tu talk, j'quoi tu noy? J'suis la prêche à plug. 220 vols, le sang va vol. C'est quelqu'un touche à mes boys, c'est quelqu'un touche à mes girls. Sont mieux n'est pas. On a toutes nos histoires, on a toutes nos blesses. On a toutes nos battles, j'en blesse. Mets la money dans ma main. Mets la money, mets la moule. Mets la money, mets la moule. Mets en plein, mets en plein. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. Mets en beaucoup, j'en veux plein. Beaucoup, beaucoup, j'en veux plein. Mets la money dans ma main. Money, money. money and sure enough we'll talk about it. Thought about it. Talkish about it. All my money, more bracadabra. Extra bacon on carbonara. Drop the mango now, disappearing. Don't come from monks, come bone about it. Bunny ball, but picks fuck about it. I think I'm born to be called a sauna. Yeah, book someone else, doesn't matter. Yeah, boy, someone else spent on mana. Cause my weed is so loud. My show's so loud. Don't let me pass a lie. See, don't hit right, then baby, hold on, hold on. What I want is just a whole lot, hold on. Mucho, mucho dola. It's a red rum, a cola. Boy, I know any further. Think I'ma drink up a third one. Think I'm in love with the third one. Think I'ma lay up a third one. Si Andy de Garde le doy super sticky poco de la palet. Chill in the back of the Panamera. Je la parle men and sola mallet. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Dead Obies, un choix de Tania Baudin avec la pièce Money. Money, money, money, money. Ah ouais, c'est ce qui s'en vient dans son futur. On va l'espérer. Bref, comme je disais tantôt, c'est la dernière régulière de Tania Baudin aujourd'hui. Demain, on a une émission spéciale. Fred va être là. Oui, oui, Frédéric oui. Simon, il a confirmé qu'il serait là, oui, c'est cool, ça. Choke pas, là. Non, non, non, non. mais avant de faire ça, on va dépenser notre argent sur d'autres choses que de la bouffe, hein. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Et est-ce que vous avez... Est-ce que, Frédéric, t'as un chaton, un chat? Oui. T'aimerais ça, hein, qu'il puisse porter un beau foulard d'hiver? Oh! Hein, oh. C'est-tu le plus beau foulard et le plus beau chat du monde? C'est incroyable. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes, mais je parle donc d'un foulard pour animaux de compagnie. Le Fleece Cat Scarf. Hein? Joli petit foulard fait à la main en Italie avec un bouton pressoir pour facilement l'envelopper autour de votre chat. J'espère assez serré pour pas qu'il l'enlève parce que moi, c'est sûr que ça durerait pas très très longtemps. De nombreux designs, de nombreuses grandeurs, nombreuses tailles. Donc voilà, pour les foulards pour animaux de compagnie. Ensuite, est-ce que quelqu'un ronfle ici, Fred? Oui, absolument. Ouais. Tania, tu te diras pas. Hein? Écoute, je vais ronfler là, quand je suis extrêmement fatiguée. Bon. Fait que c'est rare. Donc, c'est rare? Je pensais ouais. À dire genre c'est tous les jours en ce moment. Non, vraiment pas. Il faut que je sois au bord de, mettons, mononucléose pour ronfler. Ça donne l'idée. Donc, peut-être sauver votre relation de couple avec le Quiet On Sleep Active Noise Cancelling, hein, qui a été optimisé pour annuler le son du ronflement. Donc, c'est des bouchons pour les oreilles. Ça rentre complètement dans l'oreille avec un joli petit coussinet et ça donne un confort supérieur pour ne pas empêcher l'autre personne de ronfler. Donc toi, ça t'empêchera pas de ronfler, Fred. Ça va empêcher ta blonde d'entendre tes ronflements. Mais ma blonde dit que ça la calme de m'entendre ronfler. T'es comme un petit chat avec un foulard. C'est ça. Qui ronronne. Exactement. C'est cute, hein? Ensuite, Bristle, c'est la thérapie par la lumière, mais tu sais, la thérapie par la lumière, c'est bien beau sur une lampe, mais évidemment, on avait besoin sur notre brosse à dents. Donc, les microbes dans votre bouche, ça peut mener à une mauvaise haleine, à des maladies de la gencive, à des caries. Ça peut causer des dents jaunes. Il y a des traitements pour tout ça. Mais maintenant, on peut le faire par la thérapie de la lumière en brossant. C'est la Bristle BRISTL. C'est une brosse à dents électrique à luminothérapie. Donc, une brosse à dents sonique, comme on l'appelle. 12 000 RPM en mode doux. Ensuite, 24 000 en mode intense, avec un timer de 2 minutes pour encourager le brossage assez longtemps pour être efficace. Et pour être encore plus efficace, Bristle a la technologie de luminothérapie prouvée en clinique et prouvée en clinique pour tuer les bactéries, aider les gencives et blanchir les dents. Ça utilise une lumière rouge, bleue et mauve. Ça, c'est dans le fond, c'est la rouge et la bleue ensemble. Mm-hmm. On s'en fout. Et la lumière rouge est supposée augmenter la sécrétion de collagène pour rendre vos gencives plus solides et empêcher et traiter la gingivite. La lumière bleue, elle, tue les microbes qui causent des maladies de la gencive, et aide à blanchir les dents. Et la lumière mauve combine les avantages des deux en même temps. Ça devrait se vendre pour $99 US sur Kickstarter en ce moment pour la Bristle. Bristle, pas sûr, moi, que c'est, cette petite lumière-là, aussi minuscule soit-elle, pendant une seconde et demie sur chaque dent, va vraiment changer grand-chose. C'est quand même cher la brosse à dents aussi. C'est ça aussi, tu sais. Il va falloir que tu changes les têtes de ça, puis... Non, moi, je pense que non, pas sûr. Ensuite, ben tiens, je vais parler à Fred, étant donné qu'il est le seul en couple dans gang aujourd'hui. C'est pas mal ça. Voici des idées personnalisées pour des dates. Si vous manquez d'inspiration pour les dates... Quelle bonne idée de nous dire ça. C'est pas pire, hein, à nous deux, hein, c'est ça. Pour garder votre relation bien amusante et excitante, des activités de date, donc dans chaque petit pot, ça vient avec, avec une étiquette personnalisée avec les noms des deux personnes, ou plus, j'imagine. Et c'est rempli de 15 petits pions, des petits jetons, chacune avec une idée de date, tout ça pour 37,94 $ canadiens. C'est comme sur des petits disques de bois, là. Genre créer des cocktails ensemble. Ah! Des trucs comme ça. Mm-hmm. Créer des cocktails ensemble. Ouais, ben, tu voulais-tu des meilleures idées? Tu peux les boire aussi. je trouve ça drôle. Ben, je trouve ça cher aussi, 37$ pour une date. Effectivement. Il y a genre jouer à des jeux de société, apprendre la guitare, soirée massage, des trucs comme ça. Ensuite, voyager à pied, mais sans stress de piler sur quelque chose avec les souliers invisibles de Winpee. W-I-N-P-E. Vous allez pouvoir marcher sur du froid, sur du chaud, sur des bosses, des roches, des surfaces glissantes, que je sais pas, n'importe quoi, dans des stationnements, des parcs d'eau, peu importe, sans avoir à être inconfortable. C'est des souliers qui sont autocollants en dessous de vos pieds. Ouh! C'est pour le soutien des arcs, des arches et le oui, on le pain plat. Le pied plat! Oui, le pain plat! Le pain plat, ben ouais. Si vous avez des pains à la place des pieds, ça arrive, ça. Bref, souliers invisibles, c'est des autocollants padés qui vont prendre la forme de votre pied. Hein, et c'est appliqué facilement, encore plus facile à enlever. C'est pratique dans plein de situations, c'est biodégradable. Donc vous n'allez pas trop faire mal à la terre. C'est à l'épreuve de l'eau, c'est non glissant, antidérapant. Vous allez pouvoir porter ça même dans l'eau ou dans la pluie sans avoir peur de piler sur des objets coupants, contondants. C'est ça, contondants? Consentants? Non. Voilà, donc Winpee, W-I-N-P-E, pour 11 et 18, avec shipping inclus sur Amazon US. Évidemment, US. Ensuite, est-ce que quelqu'un joue du piano ici? Non. J'aurais pu répondre aussi. That's it. Non, personne joue au piano, mais vous pourriez jouer au piano. On a quand même pensé à notre réponse, hein? T'as vu le temps? Attends, est-ce que je joue au piano? Attends pour que je me rappelle. Non. Vous pourriez jouer au piano avec vos pouces, avec ce joli Tom Piano. Oh. Oh, c'est beau, c'est comme un genre de morceau de bois qui ressemble à un métronome. Et dessus, ben, t'as des morceaux de métal qui sont de la bonne taille pour faire chacune des notes. Hein? Vous allez pouvoir créer de la musique sur la route. Tout le monde a besoin de jouer du piano sur la route. Super portatif. Piano on the go. C'est ça, piano exactement. On the go. Et voilà. Tout ça pour 45$ canadiens environ. Tu pèses un petit peu sur la touche, mais comme un genre de flick, comme un genre de pichenote, si on veut, sur le. Mais bref. Ensuite, parlons d'une station. Vous savez, c'est très à la mode d'être debout pour travailler depuis quelques temps. Oui, moi j'adore ça. Ben oui, maintenant vous allez pouvoir travailler debout, assis ou couché, pareil comme chez le dentiste. Oh mon Dieu! Avec une station de travail qui ressemble énormément à ça. Si tu le mets à la puissance 5, ben tu vomis aussi. C'est ça. Ça vient pas avec le petit lavabo à côté pour cracher. Hein? Malheureusement, non. Bref, c'est fait pour ceux qui ont vraiment une utilisation intense de leur ordinateur. L'écran, le clavier, tout est positionné exactement au bon endroit pour avoir le plus de confort dans vos épaules, votre dos. Ouais. Ensuite, ça, j'aime ça. Qui aime les nachos? Moi? Je suis pas fan de nachos. Non. Mais c'est parce que je trippe pas salsa. C'est... Ouais, mais okay. Tu peux demander pas de salsa. Ouais, mais je suis bien difficile là. Ah, ok. Ouais. Okay. Parce que nous autres, on est comme. Les... Il aime pas les nachos. On est tous les deux intolérants au lactose, puis on aime plus les nachos que toi. Ouais, genre, je prendrais des chips avec du fromage. Ah, bon, ben parfait. Ben, c'est bien ça. Je faisais ça quand je faisais. Ça marche parce qu'en tant que tel, ça pourrait fonctionner pour à peu près tout ce qui est trempette. Oui, parce que c'est un super bol chauffant pour votre trempette. Ça, 54. 60$ canadiens, 4 compartiments séparés pour pouvoir avoir une variété de chips, hein? Et oui. À l'intérieur, au milieu, de la trempette bien chaude, c'est parfait. 60$, voyons, pour de la vaisselle. Pas cher. On aime ça. Pas cher. Ensuite, un adaptateur qui va faire de la réanimation cardiaque sur votre routeur si jamais votre routeur marche mal. Je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, mais moi, chez moi, avec les merveilleux services de Bell, hein, mon modem, des fois, il lâche, puis il faut que je le reboot. Quand j'ai fait la même chose, je me rappelle, j'avais ça dans le jeu. Je vois pas vraiment de différence entre les deux. C'est pas mal la même chose, finalement. Ici, c'est un petit adaptateur disponible dans le commerce. Il y a des versions pour plusieurs pays, là, mais c'est fait pour vérifier que votre routeur ou modem Wi-Fi fonctionne bien. Et quand ça fonctionne pas, quand le Wi-Fi arrête d'envoyer du signal, ça reset le power. Ça redémarre votre modem routeur. C'est cool, hein? Il y a même une application web qui vous permet de diagnostiquer qu'est-ce qui a causé l'échec sur votre réseau. Pour savoir, dans le fond, si c'était le signal Wi-Fi qui était pas fort, le routeur qui marchait mal, le modem ou le fournisseur d'accès à Internet. Le Reset Plug G2 va être disponible à partir du mois de juin. Et on peut commander ça pour $60 US sur resetplug.com. C'est une pas pire idée, pantoute, ça. Ben oui. Et un dernier, tiens, à la place de brasser votre café, vous allez pouvoir le Stirkley. Qu'est-ce que ça veut dire, le Stirkley? Je suis pas certaine de vouloir savoir. Hein? C'est l'inventeur Scott Amarin, la même personne qui a inventé le Keybrid Keychain, une sorte de porte-clé. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil pour brasser votre café, mais c'est fait pour brasser un breuvage dans n'importe quelle grandeur de verre. Vous allez placer le verre dans le Stirkle et ça va faire tout le travail pour mélanger pour vous. Donc, c'est fait pour... je vais vous montrer la petite vidéo de démonstration pour pouvoir la regarder ensemble. C'est comme un genre de cylindre dans lequel tu verses ton verre... tu mets ton verre de café. OK. Et le verre va se mettre à tourner en rond. Oh! Pour brasser ton breuvage. Donc, à la place de mettre quelque chose dans le breuvage, c'est le breuvage lui-même qui spinne sur lui-même. Super pratique, ça fait parler tout le monde au bureau. Mais, tu sais, quand tu prends un café ailleurs, mettons dans l'auto, là... Est-ce que tu mets ça dans ton porte-verre? Je sais pas. Ça spill pas mal partout. On peut brasser environ 50 000 tasses en utilisant seulement 10 cents d'électricité à 12 cents le kilowattheure. Le Stirkle coûte. Combien seriez-vous prêt à payer pour ça? Pas vraiment cher. Moi non plus. 10 piastres, maintenant? Mettons. Mais pourquoi pas payer $345 US ou $490 dépendant du modèle sur Stirkle.com, S-T-I-R-C-L-E.com. Quelle idée! Mais à quel point... t'as besoin d'argent dépenser pour t'acheter pour ça. Et le gars pense qu'il va pouvoir faire de l'argent là-dessus, lui. C'est ça son but, j'imagine. C'est un petit moteur dans lequel tu fais spinner ton... Pour vrai, n'importe qui peut faire ça. N'importe qui. Genre, c'est un projet d'initiation à la technologie au secondaire. Là, c'est ça. Ouais, ou sinon, je sais pas, prends tes mains puis tourne ton verre toi-même. Ou achète-toi une cuillère. Bon, attends. Demande à Barista de te brasser ça. Fais donc ça. C'est ça. Bref, les liens sont sur assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1237. Et c'est là-dessus qu'on termine Assemblage Requis pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Sébastien F. Gertin pour sa chronique du bulletin Gertin qu'il a fait en début d'émission. Merci à Mathieu Janvier pour sa chronique Jeux à gogo sur les jeux de société. On va le retrouver la semaine prochaine. Même chose pour Sébastien. Merci à Frédéric Simon. Merci à vous. Qui remplace, comme toujours, Gabriel Béhoud. L'inexistant Gabriel Béhoud. Exactement. On te retrouve. On le salue d'ailleurs. C'est ça. On te retrouve demain, enfin. Oui. Tania, dernière émission régulière aujourd'hui, mais ça veut pas dire que c'est terminé encore. On a demain. Demain, on va avoir Philippe Fournier en début d'émission pour sa chronique financière. Un dernier petit coup de quoi faire avec ton argent avant de commencer à en avoir ta prochaine fois. Donc, Philippe Fournier à 7h. Et puis après ça, une grosse pointe d'adresse pour le reste de l'émission. Émission spéciale avec tout plein d'invités spéciaux. Donc, soyez-y demain entre 7h et 10h sur nos ondes plus tard aujourd'hui. Qu'avons-nous en ce mercredi? Nous sommes mercredi. Oui. Nous avons le Mathieu Plante Show. Mathieu Plante Show à 15h une dernière fois avec Frédéric Simon pour un autre gamer à un autre. Oui. Audiomatique à partir de 17h. Écoutedonc.ca. Je crois que c'est terminé, Écoutedonc.ca. Je ne me souviens plus s'ils ont fait leur dernière la semaine dernière ou cette semaine. Même chose pour l'Obtrotter à partir de 19h. Cif.ca et assemblagerequis.com. On se retrouve demain matin 7h. Bye bye. Bye. Bon café tout le monde.